إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on reprend aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'étude de ce livre immense intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 7e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « Il fait partie du shirk » du polythéisme, de porter un anneau, un fil ou autre chose semblable afin de dissiper un malheur ou de le repousser. Afin de dissiper un malheur, c'est-à-dire une fois que ce malheur est survenu, ou de le repousser, c'est-à-dire avant qu'il survienne. Donc après nous avoir mentionné, dans les 6 chapitres précédents, un certain nombre de points liés à l'importance du tawhid, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ceci est le sens même de l'attestation de foi qui est le premier pilier de la religion de l'islam. Après nous avoir expliqué le sens de cette attestation et qu'elle implique le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration de tout autre que lui, l'auteur rahimahullah ta'ala commence à partir de ce chapitre et dans ceux qui vont suivre incha'Allah ta'ala à nous mentionner certaines formes de shirk, certaines formes de polythéisme, majeur ou mineur, qui s'oppose au tawhid et par conséquent qui s'oppose à l'attestation de foi ashhadu an la ilaha illallah, soit qui s'y oppose complètement en ce qui concerne le polythéisme majeur, soit qui s'oppose à la perfection du tawhid en ce qui concerne le polythéisme mineur qui vient affaiblir l'attestation de foi et le tawhid de la personne. Il va donc parler ici du fait de porter un anneau, un fil ou autre chose semblable. Autre chose semblable, c'est-à-dire que ceci ne se limite pas à l'anneau ou au fil. Mais le Cheikh rahimahullah ta'ala les a mentionnés à titre d'exemple car ceci sont des choses courantes. Mais en réalité, les textes qu'il va nous mentionner dans ce chapitre, ils concernent tout ce que la personne peut accrocher ou suspendre sur son corps, sur sa monture, dans sa voiture, sur les portes de sa maison, les portes de son commerce, et ainsi de suite, parmi les choses au sujet desquelles les gens pensent que ceci, par exemple, repousse le mauvais œil de l'envieux. Ou alors, que ceci est une protection pour le corps, que cela le protège de la maladie, des méfaits. Ou que cela protège, lorsque tu es en voiture, que cela t'évite d'avoir des accidents, que cela protège la maison, que cela protège le commerce, des différents méfaits qui pourraient les atteindre. Tout ceci, en réalité, fait partie des choses qui étaient présentes au temps de la Jahiliya, au temps de la période qui a précédé l'islam, avant l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étaient des choses qui étaient courantes. Et malheureusement, ces choses sont encore présentes chez nombre de personnes jusqu'à nos jours. Et il se peut même que ces choses soient de plus en plus nombreuses en raison de l'ignorance d'un grand nombre de personnes et du délaissement de l'apprentissage de la science du tawhid, alors que dire de sa mise en pratique. On voit beaucoup de gens aujourd'hui porter sur leur corps, à leur cou ou à leurs bras, des bracelets, des chaînes, des talismans, ou alors ils mettent cela à leurs enfants, ils accrochent cela sur le rétroviseur de leur voiture, devant la porte de leur magasin, devant la porte de leur maison. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de se préserver, par exemple, du mauvais œil, ou alors se préserver de telle ou telle maladie, et ainsi de suite. Et tout ceci fait partie du polythéisme, car c'est une forme d'attachement à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui préserve de tous les maux, que ce soit le mal du mauvais œil, le mal de la maladie, le mal des accidents, et ainsi de suite. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de les repousser. Et une fois survenu, seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de les dissiper. Donc tout ceci est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, seul, sans associer. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour le croyant de lier son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala seul, de lui vouer exclusivement le culte, de lui vouer l'ensemble de ses adorations. Et entre dans l'adoration que tu n'aies peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'aies espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne lies ton cœur et que tu ne places ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu dois savoir et avoir la ferme conviction que rien ne peut te nuire ici-bas si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu lis ton cœur à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, alors Allah te suffira. Quant à ceux qui lient leur cœur à autre qu'Allah, qui lient leur cœur à une chaîne, qui lient leur cœur à un pendentif, à une main ou autre, parmi les choses que les gens suspendent ou portent sur eux, en pensant que ceci les préserve du mal. Ceux qui lient leur cœur à ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne à ces choses. Il les abandonne à ce à quoi ils ont lié leur cœur. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est une épreuve immense. On va voir des détails à ce sujet à travers les textes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés dans ce chapitre, ainsi que dans les chapitres suivants. Dans ce chapitre, il a mentionné un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que trois hadiths, comme on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala. Le verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il dit « قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, pourrait-il dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-il retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit, et c'est en lui que place leur confiance ceux qui cherchent un appui. Donc ceci est le verset 38 de Sourate Az-Zumar, qui est une sourate immense, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué le tawhid sous différents aspects. De son début à sa fin, cette sourate, elle traite de la aqidah, elle traite de la croyance. Et elle démontre la fausseté des différentes formes de polythéisme. Et on trouve dans celle-ci l'annulation et la réfutation de ce polythéisme. Et parmi ces réfutations, ce qui est venu dans ce verset. Donc c'est une sourate immense dont je vous conseille de multiplier la lecture avec méditation. Et c'est la sourate que vous écoutez chaque soir avant le cours. Sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans celle-ci, selon le sens rapproché, « قُلْ » dit, c'est-à-dire « au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » car Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète et lui ordonne de dire aux polythéistes « Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, parmi leurs statues, leurs idoles, parmi les arbres, les pierres, les tombes, les mausolées, les vertueux, et ainsi de suite. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc cette question, en réalité, elle ne concerne pas seulement les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle s'adresse à tout mushrik, à tout polythéiste présent sur terre, et ce jusqu'au jour de la résurrection, quelle que soit la chose qu'ils adorent. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait m'éprouver par la pauvreté, par une maladie, par la mort, par la perte d'argent, la perte d'un proche, ou autre chose parmi les choses nuisibles, que ce soit physiquement, financièrement, ou en ce qui concerne les proches et la famille. Si Allah subhanahu wa ta'ala me voulait un mal, pourrait-il dissiper son mal? Ces choses que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces mausolées, ces tombes, les djinns, les vertueux, les pierres ou les arbres, et ainsi de suite. Est-ce que ces choses sont capables de repousser un mal par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de m'éprouver? Et la réponse, bien évidemment, est non. Ils ne sont pas en mesure de faire cela, car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de repousser ou dissiper ce mal. Et on retrouve dans ce verset le sens du verset que l'on a vu dans le cours précédent, le verset 56 de Surat al-Isra. Si vous vous souvenez, dans le cours précédent, on a vu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit « قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا » dit « Invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Lorsque vous êtes éprouvés, ils ne peuvent pas dissiper votre malheur. Et avant que vous soyez éprouvés, ils ne peuvent pas vous en préserver. Car nul ne peut dissiper le malheur ou le repousser si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, toujours selon le sens rapproché, ou s'il me voulait une miséricorde, si Allah, subhanahu wa ta'ala, veut m'accorder la santé, veut m'accorder la richesse, veut m'accorder des enfants pieux, ou ainsi de suite, parmi les formes de miséricorde et de bienfaits qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut accorder à ses créatures. Est-ce que quelqu'un, parmi les créatures, ou parmi leurs fausses divinités, est en mesure d'empêcher cette miséricorde d'atteindre une personne parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'accorder la richesse à un tel parmi ses serviteurs, est-ce que quelqu'un peut l'en empêcher? La réponse est non, bien évidemment. Personne ne peut l'empêcher. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura lu ce verset, il a lu ce verset aux polythéistes. Il leur a adressé cette question. Il a proclamé cela ouvertement et publiquement. Mais ils n'ont pas été en mesure de lui répondre. Pourquoi? Car ce verset, il nous montre la fausseté de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous démontre la fausseté du shirk, la fausseté du polythéisme. Car tout polythéiste, il adresse des demandes à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors que ces choses auxquelles il s'en remet, elles ne peuvent rien pour lui en réalité. Car comme on a dit, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit à son serviteur. C'est pour cela qu'il dit après, قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, dit, Allah me suffit. Il me suffit de lier mon cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci vient annuler toute forme de polythéisme. Personne ne peut me nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut m'apporter un quelconque profit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc en lui que le croyant doit placer sa confiance. Et ceci nous rappelle le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa cette recommandation immense à son cousin Abdullah ibn Abbas et lui dit, et sache que si toutes les créatures se réunissaient pour te faire profiter d'une chose, ils ne pourraient te faire profiter que d'une chose qu'Allah a écrite pour toi. Et s'ils se réunissaient tous pour te nuire par une chose, ils ne pourraient te nuire que par une chose qu'Allah a écrite contre toi. Donc nul parmi les créatures ne possède la faculté de nuire ou de profiter en elle-même. Mais ce ne sont que des causes, et tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, un animal féroce, il peut te causer du tort, il peut te nuire. Le feu, il peut te brûler. Et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent être nuisibles. Mais ces choses ne peuvent te nuire que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. C'est pour cela que si tu souhaites t'en préserver, tu dois accomplir les causes nécessaires pour cela et ne t'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Donc ce verset, c'est une preuve que ceux qui cherchent protection contre le mauvais œil ou autres parmi les méfaits, en portant des talismans, des bracelets, des chaînes ou autres, en réalité, ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces choses-là auxquelles ils s'en remettent, elles ne peuvent en rien les préserver de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme bien ou comme mal. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné trois hadiths. Le premier est d'après Imran ibn Husayn, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit un homme avec un anneau de cuivre à sa main. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, qu'est-ce que c'est? L'homme de répondre, c'est contre al-wahina, qui est une maladie comme on va le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, retire-le, car il ne t'ajoutera que de la faiblesse, et si tu meurs alors que tu le portes, tu ne réussiras jamais. Ce hadith est rapporté par Ahmad, rahimahullah ta'ala, d'une chaîne de transmission convenable. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme avec un anneau de cuivre à sa main. Il l'interrogea donc et lui demanda qu'est-ce que c'est. Et il apparaît que cette question est en réalité une manière de condamner cet acte. Et d'autres ont dit qu'il l'a réellement interrogé sur la raison qui l'a poussé à porter cet anneau. Et ceci nous prouve, premièrement, qu'il est obligatoire de condamner le blâmable. Et deuxièmement, ceci est une preuve que tu ne dois pas condamner une chose avant de savoir quel est l'objectif de son auteur. Si cette chose porte à équivoque, s'il se peut que cette chose soit une chose interdite en fonction de l'intention de la personne. Il est donc nécessaire, tout d'abord, de d'interroger sur son intention, et si son intention est mauvaise, alors de le blâmer en fonction de cela. En l'occurrence, ici, l'homme, il répondit, ceci est contre Al-Wahina, c'est-à-dire, je porte cet anneau pour repousser Al-Wahina et pour m'en protéger. Et Al-Wahina, les gens de science ont dit dans l'explication de ce hadith que c'est une maladie qui atteint la main, une sorte de faiblesse à la main. Elle était donc appelée par les Arabes Al-Wahina. Et il faisait partie de leurs habitudes de porter un anneau, une sorte de bracelet à la main, afin de se préserver de cette maladie. Donc il prétendait que porter un anneau au poignet permettait à la personne d'être préservée de l'Ouahina. Est-ce que ceci est encore présent aujourd'hui? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on étudie le tawhid, ils pensent que l'on étudie seulement des choses théoriques qui ne sont pas présentes dans la vie quotidienne. Et ceci est de l'ignorance pure. Car le tawhid, tu en as besoin à chaque instant. Et le shirk, il est présent dans de nombreuses choses aujourd'hui. Il est donc important de connaître ces détails afin de pouvoir t'en préserver. Et en effet, ces choses, elles sont présentes aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler de ce que l'on appelle les pierres guérisseuses, ou ce que l'on appelle les bracelets de lithothérapie, qui sont faits à base de pierres ou de minéraux, et ils prétendent que telle pierre protège de telle maladie, telle pierre protège de telle maladie de la peau, telle pierre protège de telle maladie des os, et ainsi de suite. Et ils portent ces pierres sous forme de bracelets. Donc ceci est exactement ce que faisaient les Arabes à la période pré-islamique. Et c'est exactement ce que condamne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Donc le musulman, il doit prendre garde à ces choses-là, être attentif et ne pas se soigner si ce n'est avec une chose dont il y a des preuves concrètes de son efficacité, et non pas seulement des choses qui relèvent de la superstition et des croyances erronées s'opposant au tawhid. Et ces bracelets sont très répandus aujourd'hui. Le musulman doit donc être attentif à cela, car ceci ce sont des choses qui portent atteinte à ta croyance, qui portent atteinte à la base du tawhid, qui porte atteinte à ton attestation de foi, shahadu an la ilaha illallah, qui est le premier pilier de ta religion, sur lequel repose tout le reste. Donc tu vois à travers cela l'importance de l'étude de ce livre, et l'importance pour nous de sans cesse nous instruire en ce qui concerne la science du tawhid et son contraire qui est le shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir su pourquoi il portait ce bracelet, pourquoi il portait cet anneau, il lui dit retire-le. C'est-à-dire retire-le avec vigueur, retire-le rapidement. Ne le laisse pas sur toi un instant, ne tarde pas à l'enlever, car ceci est une forme de manifestation du polythéisme. On voit donc à travers cela, à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque la personne s'est rendue coupable, par erreur ou par ignorance, d'une forme de manifestation du polythéisme, elle doit s'empresser de le retirer, de s'en débarrasser. Elle ne doit pas tarder à le délaisser, mais elle doit faire cela rapidement. Il lui dit donc, retire-le. Puis ensuite, il lui explique le mal qu'il y a en cela, car il ne t'apportera que plus de faiblesse. C'est-à-dire qu'il porte cet anneau pour se préserver de la maladie, d'Al-Wahina, maladie qui atteint la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit en réalité, c'est le contraire que tu auras, va t'apporter de la faiblesse. Et ceci est une preuve que le fait de porter ces choses, comme des anneaux, des bracelets ou autres, avec l'intention de se préserver d'un mal, de se préserver d'une maladie, eh bien, la personne, elle obtient l'opposé de ce qu'elle recherchait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe dans ce hadith que c'est une cause de la maladie. Et si tu médites sur la situation de ceux qui sont attachés à ces choses, qui sont attachés à ces superstitions, qui sont attachés à ces talismans, à ces pendentifs et ainsi de suite, tu verras qu'en réalité, ils sont toujours dans l'inquiétude, toujours dans la peur. Ils ont toujours peur d'être touchés par des maux, par des méfaits. Ne sont pas stables. Alors que celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il est apaisé, car il n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que si un mal l'atteint, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété, et que s'il patiente, ceci est un bien pour lui. Donc il n'est pas inquiet, il n'a pas peur. Contrairement à ceux qui souffrent de ces croyances, qui sont sans cesse à s'en remettre à un pendentif, il s'en remet à un cadre, un talisman, à une chaîne, à un bracelet. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'abandonne à ces choses. Et tu le vois toujours inquiet, toujours peureux, toujours affligé, car il est livré à lui-même en réalité. Et il n'y a pas de doute que ceci même est une forme de châtiment, wal'iyadhu billah. Le croyant donc, il n'en se remet qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'en remet pas à ce genre de choses. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et lui dit, si tu meurs et qu'il est sur toi, c'est-à-dire que tu meurs en le portant, tu ne réussiras jamais. C'est-à-dire que s'il meurt sans s'en repentir, il n'obtiendra pas la réussite. Et quelle est la réussite que l'on obtient après la mort? La réussite que l'on obtient après la mort, c'est le fait d'entrer au paradis et d'être préservé du feu. C'est pour cela que les savants qui soutiennent que le polythéisme mineur, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas à celui qui meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Ils ont dit que ce hadith en est une preuve. Car le fait de porter un anneau afin de se préserver de la maladie, comme on va le voir, si la personne a la conviction que c'est Allah qui préserve, mais que cet anneau n'est qu'une cause, ceci relève du polythéisme mineur. La personne ne sort pas de l'islam, mais elle s'est rendue coupable du plus grave des péchés après le polythéisme majeur. Et on a vu dans les cours précédents que les savants divergent. Est-ce que le polythéisme mineur entre dans la généralité du verset? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Ce verset concerne-t-il le polythéisme majeur seulement? Ou alors il concerne aussi bien le polythéisme majeur que le polythéisme mineur? Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, concernant ce hadith, ceci est une preuve que le shirk n'est pas pardonné, même si c'est du shirk mineur, même si c'est du polythéisme mineur, et que son auteur sera châtié, même s'il n'est pas châtié de la même manière que le mushrik qui a commis du shirk akbar, qui a commis du polythéisme majeur. C'est-à-dire que l'auteur du polythéisme mineur, il ne sera pas éternellement en enfer, mais il sera châtié à hauteur du polythéisme qu'il a commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas, comme on a dit selon l'avis des savants qui soutiennent que le polythéisme mineur entre dans la généralité du verset. Quoi qu'il en soit, ceci nous prouve le danger du polythéisme, majeur ou mineur, et qu'il convient aux croyants de s'en écarter. Et ceci nous prouve également que le shirk mineur, le shirk al-asghar, il est plus grave que les grands péchés. Ça également, c'est une chose importante, car beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la gravité de ce péché. Pour eux, si on leur parle d'une personne qui a commis un meurtre, une personne qui boit de l'alcool, une personne qui vole, et ainsi de suite parmi les grands péchés, ils se rendent compte que ceci sont des actes vils, que ceci sont des actes graves. Mais nombre de personnes ne se rendent pas compte de la gravité du polythéisme mineur, comme le fait de porter un anneau, en pensant que cet anneau est une cause pour être protégé de telle ou telle maladie. Ceci est plus grave que les grands péchés. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela et s'écarter de toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Quoi qu'il en soit, on voit très clairement à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné le fait de porter un anneau afin de se préserver d'une maladie. Et il a informé que celui qui fait cela ne récoltera que plus de faiblesse. Cela ne lui ajoutera que de la faiblesse et de la maladie. Et que s'il meurt dans cette situation qu'il ne s'en repent pas, alors il ne réussira pas. Wallahul musta'an. Ceci est donc une preuve claire de l'interdiction de porter un anneau ou autre chose semblable afin de repousser un mal ou de le dissiper comme le fait de porter un talisman ou de mettre une main ou de mettre un œil afin de se protéger des maladies, se protéger des envieux, se protéger du mauvais œil et ainsi de suite parmi les mauvaises intentions. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième hadith et il dit, il rapporte aussi, c'est-à-dire l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, d'après Uqba ibn Amir, marfou'an, c'est-à-dire une parole qu'il attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit, Man ta'allaqa. Donc ce hadith, il peut être traduit par celui qui porte une amulette ou alors celui qui suspend une amulette. Car en réalité, les savants ont donné une explication très large de ce hadith. Ils ont dit celui qui suspend une amulette, c'est-à-dire celui qui suspend sur lui une amulette ou alors sur ses enfants ou alors sur la porte de sa maison, dans sa voiture ou autre, ou alors de façon plus large, celui qui lie son cœur à une amulette, en croyant que celle-ci peut lui profiter ou lui nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'accroche à une amulette, qui s'y lie, qui la suspend ou qui la porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah ne fasse pas aboutir ses affaires. Il invoque contre lui. Ensuite il dit celui qui porte un coquillage, celui qui se lie à un coquillage aussi, qui le suspend, qu'Allah ne lui accorde aucune sérénité. Donc les amulettes, ce qui est visé par celles-ci, c'est tout ce que les gens peuvent porter, comme par exemple des colliers de perles, des pendentifs en forme d'œil, ou des pendentifs en forme de main, la main de Fatma, la Khamsa comme ils l'appellent, ou alors L'œil bleu, qui est très courant et très répandu également. Ou alors le fait, par exemple, de mettre une chaussure à l'entrée de la maison, dont la semelle est en direction de ceux qui entrent. Ou alors de poser un fer à cheval au-dessus de la porte, ou de poser un fer à cheval sur le devant de la voiture. Tout ceci entre dans la généralité des amulettes. Et tout ceci fait partie du polythéisme, le plus grave des péchés. Et malheureusement, ce sont des choses très répandues parmi les gens. La main, par exemple, aujourd'hui, on la retrouve de partout. On la retrouve en forme de pendentif, sur les vêtements, sur les sacs, accrochée dans les voitures, peinte sur les maisons et ainsi de suite. Et les gens pensent que ceci est insignifiant, ne se rendent pas compte de la gravité de ce péché. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'apprendre cela, afin de pouvoir nous en préserver, afin de pouvoir avertir les gens autour de nous, afin qu'ils délaissent ce péché, qu'ils s'en écartent, qu'ils s'en préservent. Car comme on a dit, c'est un péché d'une grande gravité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui suspend une de ces choses, qui l'apporte, ou qui lie son cœur à cette chose, même s'il ne l'apporte pas, mais que son cœur est lié à cette chose, il croit que la main, elle protège du mauvais œil, ou il croit que ce petit œil bleu, il protège du mauvais œil, ainsi de suite. Il pense que le fer à cheval posé sur sa voiture va le préserver d'avoir un accident. Il pense que de porter telle chaîne, ça va le préserver de la maladie, et que s'il la retire, il va tomber malade. Ceci est présent également parmi les personnes de la communauté. T'as une personne qui porte une chaîne avec un pendentif, il te dit, je ne peux pas la retirer, si je vais la retirer, il va m'arriver un malheur. Ceci est une forme de polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à celui dont telle est la situation, qu'Allah ne fasse pas aboutir ses affaires. Il invoque contre lui, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le contraire de ce qu'il recherche. Il portait cela pour se préserver du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah ne fasse pas aboutir ses affaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces invocations, elles sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il les exauce. Et cette invocation, elle touche toute personne qui est dans cette situation. Qu'il porte cette amulette, ou qu'il la fasse porter à autre que lui, ou qu'il la suspende devant la porte de sa maison, ou devant la porte de son magasin, ou sur son rétroviseur, et ainsi de suite. Tous ceux-là sont concernés par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf ceux qui se repentent. Car Allah subhanahu wa ta'ala, elle accepte le repentir de celui qui se repent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc invoqué pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas aboutir ses affaires. Qu'est-ce qui va se produire donc? Il voulait se préserver du mauvais œil, il voulait se préserver de la maladie, et au final, il va être atteint par nombre de nuisances. Il va voir le contraire de ce qu'il recherchait. Et c'est pour ça, comme on a dit, que les gens qui s'attachent à ces choses-là, ils sont toujours dans l'inquiétude, ils sont toujours tristes, ils sont toujours affligés, et également, tu vois qu'ils sont parmi les gens les plus faibles. Contrairement à ceux qui ont compris le tawhid et qui le mettent en pratique, qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois que c'est les gens les plus fermes et les plus stables. Ils ne sont pas toujours dans l'inquiétude comme ces gens qui s'en remettent à des objets qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. Le monothéiste, lui, il sait que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le préserver du mal ou le dissiper s'il en a été atteint. Il ne place donc son espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne place sa confiance qu'en Allah. Car il sait qu'Allah lui suffit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Il n'a pas besoin de mettre une main autour de son cou, ni un œil, ni d'accrocher un fer à cheval à sa voiture, ainsi de suite. Il n'a pas besoin de ses bracelets, Allah lui suffit. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a des causes tangibles à accomplir pour se préserver d'un mal, se préserver d'une maladie, comme par exemple, aujourd'hui, dans la période que nous vivons, le fait de porter un masque afin de se préserver d'être atteint ou de propager le virus et ainsi de suite. Ceci sont des causes tangibles, des causes concrètes qui sont prouvées par la science, qui sont prouvées scientifiquement. Mais le fait de porter un bracelet, par exemple, et te dire ceci me protège du virus, ceci n'est basé sur rien du tout. Et ceci s'oppose à la croyance du tawhid. Et c'est une forme de polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et celui qui porte un coquillage, comme on a dit, qui le suspend ou qui lie son cœur à celui-ci, qu'Allah ne lui accorde aucune sérénité. En effet, il y a certaines personnes qui accrochent certaines sortes de coquillages, le mettent autour de leur cou, ou alors autour du cou de leur monture, et ils pensent que ceci les préserve du mauvais œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc également invoqué contre eux et a dit qu'Allah ne leur accorde aucune sérénité. Si Allah ne lui accorde aucune sérénité, comment il va se trouver? Il va être plongé dans la tristesse, plongé dans l'affliction, plongé dans les wasawis, plongé dans les suggestions du diable. Il va être faible face aux ennemis, il sera toujours dans l'inquiétude. Et ceci est la conséquence de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde aucune sérénité, et ceci est visible jusqu'à aujourd'hui chez ces personnes qui lient leur cœur à ces amulettes, wallahu musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et dans une autre version, c'est-à-dire le même hadith, mais dans une autre narration, Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui porte une amulette, ou celui qui se lie à une amulette, ou qui la suspend, il a certes fait du polythéisme. Donc, en plus du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre lui, il a commis le plus grave des péchés, qui est le polythéisme. Il s'est donc plongé dans deux calamités. La première calamité, c'est qu'il est atteint par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui. Et la deuxième, elle concerne sa croyance. Car il a commis du polythéisme, il a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant que cette chose pouvait le protéger ou était un moyen de le protéger. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Ce chapitre qu'il a intitulé « Il fait partie du polythéisme de porter un anneau, un fil ou autre chose semblable, afin de dissiper un malheur ou de le repousser. » Et la question qui se pose ici est: est-ce que cela relève du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur? Est-ce que c'est du shirk akbar ou du shirk asrar? La réponse est que cela dépend de la situation et de la croyance de la personne. Si la personne porte cet anneau, ce bracelet, cette amulette, ou suspend cette main au-dessus de la porte de sa maison ou de son magasin, ou à son rétroviseur, et ainsi de suite, en pensant que cette amulette ou ce pendentif, c'est lui, de par lui-même, qui va la préserver du mauvais œil ou de la maladie ou autre chose de laquelle elle souhaite se protéger, alors ceci relève du polythéisme majeur. Celui qui a cette croyance, qui croit que c'est la main qui le protège, qui croit que c'est le petit œil bleu qui le protège, qui croit que c'est le fer à cheval qui le protège, alors celui-ci sort de l'islam. Quant à celui qui porte cela, en ayant la ferme conviction que la protection provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah qui protège du mal, mais que le fait de porter ce pendentif, ou de porter cet anneau, ou cette chaîne, et ainsi de suite, est une cause pour être protégé, mais que c'est Allah qui protège, alors celui-ci, il s'est rendu coupable de polythéisme mineur, du shirk asrar, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de cette chose une cause. Et ceci est une règle importante à retenir et à bien noter. Le fait de croire qu'une chose est une cause pour se protéger de la maladie, se protéger du mauvais œil, se protéger des méfaits, et ainsi de suite, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de cette chose une cause, alors ceci relève du polythéisme mineur, du shirk asrar. Et si la personne croit que c'est cette chose elle-même qui la protège, alors ceci est du shirk akbar, du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. On demande à Allah de nous en préserver. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith. Et il dit, et Ibn Abi Hatim rapporte d'après Hudhayfa, c'est-à-dire Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'il vit un homme portait à sa main un fil contre la fièvre, c'est-à-dire qu'il avait un fil autour de son poignet ou autour de son coude, qu'il portait afin de se protéger de la fièvre, pour ne pas être atteint par la fièvre. Alors Hudhayfa, il coupa ce fil et il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset 106 de Sourate Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, il vit cet homme avec ce fil par lequel il cherchait à se protéger de la fièvre. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala anhu, il a donc coupé ce fil. Et ceci nous prouve l'obligation de retirer le mal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith précédent, retire-le, retire cet anneau. Toute forme de manifestation du polythéisme, il ne faut pas tarder à la retirer. Mais il faut la retirer immédiatement. Et ensuite il a récité ce verset. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, comme le mentionnaient certains parmi les savants, que la plupart des gens, ils ne croient pas en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner des associés dans l'adoration. En effet, si tu médites sur la situation des polythéistes, comme ceux vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et nombre de polythéistes jusqu'à nos jours, ils reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à administrer l'univers, le seul à donner la vie et donner la mort, et ainsi de suite. Ils reconnaissent cela, comme on l'a vu en détail lors de notre étude des quatre règles, al-qawaid al-arba'. Mais malgré ça, ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ils invoquent autre que lui, ils sacrifient pour autre que lui, et ainsi de suite. Ils font différentes formes, ou bien de polythéisme majeur, ou bien de polythéisme mineur. Donc la plupart des gens, ils ne croient en Allah, c'est-à-dire en la seigneurie d'Allah, qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire en lui donnant des associés dans l'adoration. Et entre dans cela le fait de porter un fil ou un anneau afin de se préserver d'une maladie ou autre, selon le détail que l'on vient de mentionner. C'est-à-dire que si la personne pense que ce fil ou cet anneau, c'est lui qui protège en lui-même, alors cela relève du polythéisme majeur. Mais s'il pense que c'est une cause, alors ceci relève du polythéisme mineur, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de cela une cause pour se protéger. On voit donc à travers ce hadith que le shirk, que le polythéisme, il est présent même chez les gens qui ont la foi en ce qui concerne le polythéisme mineur. C'est-à-dire que le croyant, le monothéiste, le musulman, qui atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il commette certaines formes de polythéisme mineur, comme le port d'une amulette en pensant que ceci est une cause de protection, comme l'ostentation également, comme on l'a vu dans un précédent chapitre, et ainsi de suite. Donc si le croyant, il peut tomber dans certaines formes de polythéisme mineur, qui est plus grave que les grands péchés, alors ceci nous prouve qu'il est obligatoire pour le croyant d'apprendre le tawhid afin de pouvoir le concrétiser et d'apprendre ce qu'est le shirk afin de pouvoir s'en préserver. Également, on voit à travers ce hadith qu'il est permis d'utiliser comme preuve un verset qui concerne le shirk akbar, qui concerne le polythéisme majeur, afin de condamner une forme de shirk asrar, afin de condamner une forme de polythéisme mineur. En effet, Hudhayfa, il a mentionné ici ce verset qui concerne le polythéisme majeur, comme on l'a vu à travers l'explication, pour condamner cette forme de polythéisme mineur, qui est le fait de porter un fil en pensant que ceci est une cause de protection et que la guérison et la protection ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme mineur. Donc Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, il a condamné cela en mentionnant ce verset qui concerne le shirk akbar. Il est donc permis d'utiliser des versets qui concernent le shirk akbar pour condamner le shirk asrar, pour condamner le polythéisme mineur. Car en effet, si tu médites sur l'argumentation de Hudhayfa et ce que démontre ce verset, tu verras que il peut aussi concerner le polythéisme mineur. En effet, combien de musulmans croient en Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien en ce qui concerne l'unicité dans la seigneurie que l'unicité dans l'adoration, mais commettent en parallèle de cela certaines formes de polythéisme mineur qui s'opposent à la perfection de la foi. Donc ceci nous prouve, comme on a dit, qu'il convient aux croyants de prendre garde au polythéisme sous toutes ses formes, majeur ou mineur, car même le polythéisme mineur est dangereux. C'est le plus grave des péchés après le polythéisme majeur. Il est plus grave que les grands péchés, plus grave que le meurtre, plus grave que la consommation de l'alcool, plus grave que le vol et ainsi de suite parmi les grands péchés. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, apprendre le tawhid afin de se mettre à l'abri et également ne pas se sentir infaillible et penser qu'il maîtrise le tawhid et qu'il est à l'abri du shirk et qu'il s'en est prémuni. Car nul parmi nous n'est à l'abri, on l'a vu à travers l'invocation d'Ibrahim alayhi salam lors du chapitre sur la peur du polythéisme. C'est pour cela qu'il nous convient de multiplier cette invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui consiste à dire « Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam » « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner des associés alors que je sais, et j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. » Pour ce que je ne sais pas. Car il se peut que tu tombes dans certaines formes de polythéisme mineur sans même le savoir. Ceci te prouve le danger du polythéisme et que le musulman doit être très attentif et s'instruire à ce sujet. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ce chapitre, et on a vu en résumé, dans le verset, la preuve de la fausseté du shirk, de la fausseté du polythéisme, et que ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut ni repousser un mal, ni le dissiper une fois qu'il est survenu, ni même empêcher un bien. Et entre dans cela, comme on a dit, le fait de porter un anneau, un fil, une amulette ou autre chose semblable, afin de se préserver de la maladie ou du mauvais œil. Mais le croyant, il ne doit s'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et placer sa confiance en lui. Dans le premier hadith, on a vu la preuve de l'interdiction de porter un anneau ou un bracelet pour repousser un mal, car ceci est une forme de polythéisme qui s'oppose à la réussite, comme on l'a vu à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le deuxième hadith, on a vu la preuve de l'interdiction de suspendre ou de porter ou de lier son cœur aux amulettes, quelle que soit leur forme. On a mentionné certaines de ces formes qui sont répandues parmi la communauté. Car comme on a dit, ceci est une forme de shirk, une forme de polythéisme, pour ce que cela comprend comme attachement du cœur à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le troisième hadith, on a vu la preuve que porter un fil pour repousser une maladie est également une forme de shirk, et il est obligatoire de réprouver cela et de le condamner. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain, bi'idhnillah, le huitième chapitre qui concerne al-ruqa et at-tama'im, les incantations, les ruqya, et également d'autres questions concernant les amulettes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.